Chapitre 12. Docteur in quocumque. La pièce où nous nous tenions, Olivier, le Ragnel et moi, était momentanément déserte. Je m'étonnais qu'il eût pu arriver jusqu'à la fenêtre sans que Monsieur de Sartine ou moi nous l'eussions entendu. Je n'ai pas besoin de dire que les dernières paroles de Monsieur de Ragnel me mirent sur la réserve. « Aurais-je eu le malheur, demandai-je, de vous offenser sans le vouloir ?»« Il ne s'agit pas de moi, me répondit-il. Vous ne vous conduisez pas bien envers une dame de ma connaissance. »« Oh, oh, fis-je, tournez comme vous l'êtes, capitaine. Vous devez avoir un grand nombre de protégés. Soyez assez bon pour aider mon examen de conscience. » Monsieur de Ragnel était sérieux et même triste, mais son accent n'avait rien de provoquant quand il reprit. « J'ai l'honneur d'être le cousin de Madame de Seuilcourt. »« Sur ma conscience !» m'écriai-je avec un véritable soulagement. « Je n'ai jamais eu le plaisir de me rencontrer avec elle. » Il sourit et murmura. « Je vois bien que vous n'aimeriez point m'avoir pour ennemi, et je vous en offre autant de tout cœur. Mais cela ne dépend ni de vous ni de moi. Je vous prie de me laisser poursuivre. » Madame de Seuilcourt a dépassé la soixantaine. Elle est supérieure au couvent des Feuillantines, au faubourg Saint-Jacques. Vous voilà qui devenez attentif. C'était vrai. Mon souvenir des choses qui s'étaient passées à Laval dans la nuit de notre arrivée était extrêmement confus. Néanmoins, je ne pouvais avoir oublié cette circonstance que Monsieur de Ragnel et Hermine s'étaient rencontrés à mon chevet. Il y a plus, c'était bien certainement à cause d'Hermine que les traits de Monsieur de Ragnel, à peine entrevus dans les demi-ténèbres d'une chambre d'auberge, à cette heure où je ne valais guère mieux qu'un agonisant, étaient restés gravés en moi. « Il s'agit de Mademoiselle de Bois-le-Roi, dis-je, étonné moi-même de la grande émotion qui oppressait ma poitrine. M'apportez-vous un message de sa part ?»« Non, » répliqua sèchement notre beau capitaine. Il reprit après un silence. « J'ai fait un grand nombre de métiers. Il y a des personnes dont l'approche réveille la fierté, même chez ceux qui ont souffert beaucoup et jeté de côté vaillamment, non pas l'honneur, mais l'orgueil. Quand j'ai remis sur mon dos du drap de gentilhomme, je cherchais tout de suite Mademoiselle de Bois-le-Roi pour lui rendre les 5 louis qu'elle m'avait prêtés. C'était le prix de votre consultation, voulus-je dire. Je vous fais observer, interrompit-il avec quelque hauteur, que je puis être humble vis-à-vis de vous et de tout le monde, mais j'étais fier quand il s'agissait de Mademoiselle de Bois-le-Roi. Malgré sa prétendue humilité, il me regardait entre les deux yeux si droits et si durs que je sentais déjà battre mon épée dans son fourreau. Il continua. Monsieur de Terray du Coudray, à qui je m'adressais, m'apprit qu'elle s'était cloîtrée aux Feuillantines. J'allais trouver ma tante la supérieure et, au premier mot que je prononçais, elle joignit les mains en s'écriant « Mon neveu, c'est une providence. Voilà le parti qu'il vous faut. La jeune personne ne sera jamais religieuse et elle a 50 000 écus de rente en bienvenue. Je vous dis cela, monsieur le chevalier, pour que vous compreniez bien que ma tante et moi, nous voyons les choses à deux points de vue fort opposés. » Je m'inclinai en souriant et il fronça le sourcil. « Grâce à madame de Seuilcourt, reprit-il, je fus admis auprès de Mademoiselle de Bois-le-Roi. « Voilà une honnête supérieure » m'écriai-je. Il rougit, mais il ne protesta point. En toute ma vie, je n'ai pas connu un plus galant homme que Monsieur le comte Olivier de Ragnel. « Mademoiselle de Bois-le-Roi, continua-t-il, me parla de vous. En mal ? Je ne puis dire cela. En bien ? Malheureusement, oui. Et vous fîtes chorus, je l'espère. » « Ne raillez pas, monsieur, je vous parle sérieusement. »« Je ne raille pas, capitaine. Je suis sûr que vous ne m'avez pas calomnié. »« Je n'ai jamais calomnié personne, mais je n'ai jamais menti non plus. »« Il me peinait qu'elle eût mis sa confiance et son espoir en vous. »« Vous eussiez préféré qu'elle vous eût choisi, n'est-ce pas ?»« Cela eût fait le bonheur de ma vie, monsieur. » Il releva ses yeux sur moi, ses yeux pleins de pensée et de loyauté. Je lui en voulais, et j'étais attiré vers lui. Bonne condition pour croiser le fer. Je ricanais parce que je ne voulais pas paraître ému, Mais il avait le coup d'œil trop sûr pour ne pas lire mon trouble à travers cette grimace. Je le dis comme je le pense, il était fort au-dessus de moi. « Les femmes comme elle, murmura-t-il, aiment souvent des gens comme vous. « Je suis joueur, dis-je, je permets aux perdants de se plaindre. « Mais ne vous formalisez pas si je vous rappelle à la question. « Vous parliez, ce me semble, d'une chance que nous avions de nous couper la gorge. « Je vous gêne et vous ne me gênez pas. À vous la main. » Il me salua aussitôt et passa devant moi. Je le suivis. Nous descendîmes au jardin par un des plus beaux clairs de lune qu'il m'ait été donné d'admirer. Monsieur de Raguenel mit habit bas et je l'imitai. La chaleur molle qui régnait fut notre excuse pour ce manque d'étiquette. Nous tombâmes en garde dans une allée qui embaumait les roses. C'était une jolie partie. Nous sommes bons là, du côté de l'Orient. J'avais commencé à ferrailler avant de savoir parler. Le curé de Quévin, qui avait tous ses parchemins de prévôt d'armes, disait que j'étais une mignonne lame à 12 ans. À 20 ans, Taupin m'avait mené jusqu'à Concarneau pour gagner le prix de l'assaut courtois où concoururent les meilleures brettes du Léon et de la Cornouaille. Mon beau capitaine n'avait, morbleu, qu'à se bien tenir, tout docteur en médecine qu'il était, en droit et en théologie. Une, deux, mon épée sauta. Il me la rendit. Ne plaisantons plus. Une, deux, mon épée sauta. Il me la rendit. J'étais furieux pour le coup. Tenez-vous ferme, capitaine. À fond cette fois. Mon épée sauta. Calotte à papa, m'écriai-je en écumant de rage. J'avais envie de lui sauter à la gorge et de l'étrangler. Il remit paisiblement son frac. J'avais besoin de m'éventer un peu, me dit-il. Vous tirez bien, chien d'anglais. Toutes les nièces sont rousses. Ce n'est pas votre faute si j'ai un poignet de portefaix. Je restais bouche béante. Cette paire de jurons qui appartenait en propre recueil de mon oncle le Bihan m'abasourdit. Pardonnez-moi, reprit-il. Je connais aussi quinque sunt presbyteri gudelis et mademoiselle Vivette. Elle est mariée, interrompis-je. Et si vous croyez me faire renoncer à mon amour, auquel ce mot fut dit bonnement, je ne faisais pas brillante figure. Voilà, continua monsieur de Raguenel, je sais tout par cœur, y compris la 13e barrique. J'avais le droit de prendre des renseignements sur vous. J'en ai eu auprès de ce bon garçon qui vous a quitté pour la découcher. Joson, le coquin! Presque aussi bonne poigne que moi. Vous avez grandi entouré d'honnêtes cœurs, monsieur le chevalier. Le métier que vous faites ne prouve trop rien, puisque nous vivons en un temps qui ne sait plus distinguer le mal d'avec le bien. Loin de vous éloigner de la personne dont il est question entre nous, je veux vous ramener à elle, car vous l'avez tristement abandonnée. Mais elle m'avait dit de l'oublier, m'écriai-je. Il sourit et pensa tout haut. On voit de tout dans ce Paris, jusqu'à des mauvais sujets perdus d'innocence. Comment vous avait-elle chassé en vous disant « Je préfère votre salut à mon bonheur » Il y a, vous le savez, une mystérieuse menace autour d'elle. J'ajoute que cette menace semble grandir et se rapproche. Les murailles du couvent ne sont plus ni assez hautes, ni assez épaisses pour la défendre contre les voix du dehors. Elle est bien découragée, chevalier, car elle sait jour après jour tout ce que vous faites. Mon regard parla sans doute, car monsieur de Raguenel lui répondit par un geste de franc dédain qui accompagna ses paroles. Jamais je n'ai prononcé un mot contre vous. À quoi bon? Je peux toujours vous tuer quand je voudrais. Le lecteur peut penser ce qu'il lui plaira. Ce raisonnement me parut limpide comme le cristal. Monsieur de Raguenel, dis-je, il serait inutile de vous cacher que je vous hais du meilleur de mon cœur. Mais il ne s'agit ni de vous ni de moi, il s'agit d'elle. À la bonne heure. Dois-je essayer de pénétrer jusqu'à elle? Non. J'ai pris des mesures qui ne sont pas dirigées contre vous, mais qui vous empêcheraient de passer. Un enlèvement est-il possible? Elle n'y consentirait pas. Que faut-il faire? Il faut tout uniment la demander en mariage.